Maillot, 1900 Avenue Maillot. Votre carte au coût de 25 $ est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Bonsoir. Moi, je t'entends. Bonsoir, ah, parfait, OK. Voilà. Bonsoir, chers auditeurs. Je pense que Bruno est en train de cuver son wino. Oui, ben en fait... Non, écoute, ça arrive des fois. Oui, c'est ça. C'est des choses qui arrivent. Bah. Eh bien, bonsoir, ben, bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Et bonsoir, Michel. Et puis, ben là, je m'immiscie dans ton émission. Ben, c'est notre émission. Eh oui, bonsoir, ben, Bruno. Écoute, Marc, tu t'en rappelles pendant de nombreuses années, on était deux à le faire ensemble. Ben oui, on a débuté en 2004, puis c'est ça, on était toujours ensemble. Puis Bruno s'est joint à nous rapidement, si c'est pas même depuis le début. Hein? Ben, je pense que oui. Ah oui? Oh, oui, oh, ouais. Ben, peut-être pas au début, parce qu'on ouais. faisait ça à deux. Ouais. Je sais pas, il est arrivé un soir, puis il s'est dit, tiens... Je ne sais pas pourquoi il nous fait des signes de même, Bruno. Ouais. Bah, ben écoutez, bienvenue à Terre Incognita. On a toujours de la bonne musique après tout ce temps-là pour faire jouer. Ben, c'est même, je te dirais que cette Encore. Semaine, j'en ai arraché, là, franchement. Là, il a fallu que je fasse des choix. Parce que 2 heures, ça passe vite. Hein. Oui. Mais oui. Puis, ben ce soir, écoute, on a quelques nouveautés scandinaves. On s'en étonnera pas. On le sait qu'on a un faible pour le scandinave, on sait qu'on a un faible pour l'italien aussi. Donc, c'est ça. Il y en a un petit peu ce soir. Et il y a, mon Dieu, un peu de britannique aussi. Et puis, ben, pas mal de britannique même, savez-vous. Je suis en train de regarder ça. Là, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, il y a pas mal de british ce soir aussi. Et puis, ben, on commence avec du scandinave. Richard Schoblum, apparemment. Il va falloir que je lui demande la prononciation d'un extrait de son plus récent disque, Sleep. On en parle à chaque semaine parce que Ricard sera bientôt chez nous, en fait le 16 octobre, à Lanty. Sur Dorchester. C'est un programme triple ce soir-là avec Necromonkey, avec l'ancien batteur de Angla Gard, Inner Odyssey, et puis Richard Schoblum de Birdfish, pour ceux qui ne replacent pas le nom. Et puis, ceux qui veulent avoir les détails, ils peuvent écrire sur terraincognitamag@hotmail.com pour les billets. Ou à l'adresse de Terra, ici à CKRL, hein, ou l'autre. Allez faire un tour sur notre site pour avoir également les contenus musicaux de chaque semaine. Puis, justement, on parle du concert de Richard en première page. Et l'adresse? Oui, c'est terraincognita.québec. C'est simple à retenir, ça. Terraincognita.québec. Ben oui. Terraincognita.québec. Et puis, bien évidemment, il y a notre page Facebook que vous pouvez aussi visiter. Et, oui, il y a souvent des chroniques. Là, tu nous parles des entrevues, des chroniques, ouais. C'est ça. Plein de nouvelles aussi que j'en place assez régulièrement, là, maintenant. Eh bien, bon, on commence, on va y aller, hein, parce que c'est bien beau jaser, mais là, je pense qu'on est là pour la musique. Donc, Richard Schoblum, c'est Terra Incognita jusqu'à minuit avec Michel et Marc et Bruno. Sad. I am my parents' hopes and dreams. Come night, I think it's time for bed. So go and sleep on the internet. Time to go.

praise electric sun. Join our solemn song for the sunrise. Praise the electric sun. Soon becoming one with the sunlight. Forsaken star forever gone. Praise the electric sun. Watch the children. Sunlight. Praise the electric sun. Nothing good will grow in the dark night. Devil taken, God forsaken, star forever.

Ben, c'est une petite nouveauté. Ça nous vient de New York. Eden Song, un groupe qu'on a eu d'ailleurs le plaisir de voir dans au le cadre... Au Festival Terra Cognita, il y a quelques années de ça. Hein? Ben écoute, j'ai pas pris le temps de regarder. Puis dans le fond, je veux dire, c'est très difficile, je trouve, maintenant, d'avoir une notion du temps. Mais je pense que ça doit faire au moins 5 ans, au moins, dans ce coin-là. Facile. Puis je me rappelle aussi qu'il y avait eu un... bon accueil, vraiment. Là, je sais que James, d'ailleurs, je salue James qui nous écoute ce soir. Il m'a dit qu'il écouterait Terra ce soir. Ah oui. Et là, c'est leur nouveauté. Là, c'est leur nouveau. Écoute, je n'avais pas entendu dire que c'était sorti encore. Là. Je pense que c'est sur le point. Et c'est, le titre, c'est Years in the Garden of Years. Et puis, je pense, ça leur a pris quand même. Je pense que ça leur a pris quasiment 6 ans à enregistrer ce disque-là. Ça a l'air bon, hein? En tout cas, cette pièce-là. Wow. Ça promet. Je pense que... Moi, j'écoute, je l'ai eu seulement là, hier, puis j'ai eu le temps de l'écouter comme 3 fois seulement. Là, mais vraiment, vraiment bon. Eden Song, donc, une petite nouveauté, Years in the Garden of Years. Tout juste avant, on avait une formation norvégienne qui s'appelle SAG, S-A-G-H, Memento Mori, c'est le titre du disque. Si vous avez aimé le côté là, un peu Hawkwind, Nick Turner, planant, achetez pas le disque parce que c'est la seule pièce qui est de même sur le disque. C'est un groupe de métal. C'est un groupe de heavy metal. Et puis, ben, des fois, ça arrive. Tu sais, moi, j'écoute beaucoup de choses. Puis, des fois, tu tombes sur des. Hein, wow! Puis ça, ben, ça fait partie des petites perles que tu découvres à un moment donné qui n'ont pas de rapport avec ce que tu écoutes, mais tu te dis, wow, OK, ça, je sors ça, et puis je m'en sers. Je le partage avec les auditeurs. C'était la pièce Praise d'Electric Sun, et une autre nouveauté, bon, plus ou moins récente, Holland. Ça, c'est oui, Holland, je sais pas, c'est en norvégien, je sais pas trop comment prononcer. Il y en a peut-être là, parmi les fans de Rhys March qui ont reconnu la voix de Rhys March, un Britannique qui s'est établi en Norvège il y a, mettons, je pense que 8 ou 9 ans, et puis qui a parti sa maison de disques là, et puis qui publie quand même assez régulièrement ses disques, plus d'autres disques, dont celui de Holland, qui est en fait, c'est un guitariste-chanteur qui a pour nom Ronnie Pedersen. Et puis, la pièce qu'on écoutait, l'orgue était une gracieuseté de Lars Fredrik Freusley de Wobbler. Et puis, tu me disais d'ailleurs que Wobbler est en studio. Là, oui, leur nouveau disque. Ça fait plusieurs années aussi. Oui, ça aussi, ça fait. Wobbler, c'est encore un de nos groupes fétiches de Terra Incognita. Ben, écoute, je me rappelle, quand ils sont venus à Terra, oui. Wobbler, Lars en parlait de nouveau, mais ça fait comme... encore là, plusieurs années. Plusieurs années. Et puis, bon, on avait amorcé avec Ricard Sauchblum. Qui va être en spectacle à Québec. Et oui, mais moi, je le répète, parce que c'est une occasion unique de le voir. C'est assis là-bas, là. Il va avoir des places assises. C'était à l'Anti, le 16 octobre, avec Inner Odyssey et Necromonkey, pour ceux qui connaissent. C'est une autre chose qu'on n'est pas sur le point de revoir passer. Là. Ricard, c'est vraiment une chance là, unique. Une occasion parce que il est aux États-Unis pour quelque chose. Puis, il m'a demandé. Il était prêt à venir faire un tour au Canada. Ben, Québec. À Québec. À Québec. Il m'a demandé, Michel, peux-tu m'arranger? J'ai adoré jouer à Québec avec Birdfish. Ben oui. C'est avec. Arrange-moi quelque chose. Parfait. C'est cool. Ça. 16 octobre, ouais. À l'Anti. Puis Necromonkey aussi, c'est le claviériste de Gösta Berling Saga. C'est ça, hein? Ouais. C'est ce qu'on discutait, ouais. Là. Ouais. C'est l'ancien batteur d'Anglagarde. Qui est en lui-même un musicien et qui est le fun à voir. Ouais, lui, quand il joue du drum, c'est le fun à regarder. Ouais, il a beaucoup de plaisir. Pour avoir vu Anglagarde au Nearfest, ouais. Là, il y a plusieurs années, c'est vraiment un musicien qui est... Il donne le goût de regarder plus lui que les autres. Là. Il vole la vedette en quelque sorte. Bon. Ben, on va continuer en musique. Nous, on a encore plein de choses. Puis on va rester en Norvège avec un groupe qui s'appelle Seven Impale. C'est des musiciens de jazz qui ont décidé de faire une incursion dans le prog, mais en gardant un peu quand même leur... J'ai leur album précédent, là, je pense. Ben, je ne sais pas si c'est le même. C'est exactement le même groupe. Okay. Ça, c'est le nouveau qui s'appelle Contrapasso. Ah, OK. Donc, Oui, ben tu vas voir que ça ils ont, c'est dans la même veine là. Puis moi j'avais bien aimé le précédent. J'aime l'utilisation des cuivres là, dans ça là, c'est vraiment. Puis il y a des bons claviers. Là, ouais, exactement. C'est qu'on continue en musique nous, ben ouais, c'est Marc, Michel et Bruno jusqu'à minuit. Terra Incognita, c'est KRL 89.1. We'll be right back.

Cette soirée vous est présentée par La Barberie. J'ai tant rêvé de toi. J'ai tant rêvé de toi. J'ai tant rêvé de toi. Sur le cadran solaire de ta vie. Tous les vendredis dès 20h, Michel Dubois vous propose un choix éclairé de musique blues, des idées de sortie et des entrevues à l'émission Rue d'Auteuil. Cette émission vous est présentée par Audiolight, le spécialiste en son et images de haute fidélité. Audiolight, 50 ans de tradition et d'innovation. Visitez notre page Facebook, audiolight.qc.ca. Du 15 au 25 septembre, l'art performance envahit la ville de Québec. La 19e édition de la Rencontre internationale d'art performance présentera des artistes du Canada, du Pérou, de Taïwan, du Portugal, de l'Allemagne et de la Slovaquie. 24 artistes présenteront des performances au 736 rue Saint-Joseph-Est, du jeudi au samedi à 20h. Les conférences CELA se dérouleront les dimanches 18 et 25 septembre à 13h, au lieu Centre en art actuel, 345 rue du Pont. Les laissez-passer et billets sont en vente à la porte les soirs de performance. Information riap2016.org. Le rendez-vous culturel du mercredi, c'est l'émission Jamais comme tout le monde animée par Tania Beaumont. De 17h30 à 19h30, en direct du bar Le Sacrilège, Tania reçoit des artistes d'ici et d'ailleurs en entrevue et prestations. Ses collaborateurs proposent des découvertes artistiques ou autres curiosités et l'équipe promet de ne pas vous laisser partir les mains vides. Parce qu'à CKRL et au Sacrilège, on ne fait jamais rien comme tout le monde. Intéressé à vivre une expérience de danse? Êtes-vous du genre flamenco? Ou plutôt fervent celtique? Ou peut-être un percussif gumboot sud-africain? Une tendance au traditionnel Québec? Ou encore un genre planète au complet? L'École de danse Migration offre tous ces types de danse cet automne. Inscription maintenant, migrationdanse.com ou 418-684-3132. De retour, on va jeter un petit coup d'œil en arrière. La dernière pièce que vous avez entendue, c'est un nouveau groupe british qui a pour nom Last Flight to Pluto. Ça, c'est le nom, parce que Marc pensait que c'était le titre de la pièce, mais non, c'est pas ça. C'est le nom du groupe, Last Flight to Pluto. Et l'album, c'est See You at the End, un groupe formé par l'ancien... Bon, on peut dire ancien, quoique le groupe n'existe pas non plus, là, plus. Ezra, je pense que les amateurs qui écoutaient du prog dans les années 90 vont se rappeler de la vague de groupes là, qui étaient sur étiquette Cyclope, dont Ezra. C'était, je pense que vers la fin, il y a eu quand même quelques bons disques, là, mais c'est... Je ne garde pas, en tout cas, je n'ai pas de souvenirs impérissables. Mais ça, non ça, plus. Ça, mais c'est ça, original. Ça, c'est ouais. original. Ben, ah ouais. On voit que les gars aiment Kim Crimson, aiment Rush aussi. Juste à la batterie, on voit tout de suite là, que c'est des amateurs de Rush aussi. Et puis, ils mélangent aussi quand même des éléments. Des éléments de différentes. Oui. C'est intéressant. Influence. Oui. Last Flight, tout plutôt. Puis avant, ben, on avait le Seven. Impale, nos jazzmen qui tentent... Ils sont de la Norvège, me semble. C'est des Norvégiens, ouais. Exactement. Ouais. C'est leur deuxième disque. Et c'était l'album Contrapasso. Ça sonne très italien. Ça sonne italien, hein. Oui. Oui, mais non. Et la pièce Hérésie. On parlait de l'Angleterre. On va rester en Angleterre avec... justement, un groupe des années 90, ou même des années 80, je pense, fin 80... Les vieux vont s'en rappeler peut-être, Multistory. Ça te dit rien, Marc? Non, ça me dit rien. Ils ont fait deux disques dans les années 80. Ah, Bruno, il s'en souvient, lui. Il oui, ben oui. Ben, Bruno, il est vieux. Là. Il s'en rappelle. Deux disques, East, West, et puis Through Your Eyes, avant de se séparer en 87. Retour en 2017. Ah ouais, c'est non, vrai? Non, de 2016. Oh oui. Moi, je suis déjà rendu en 2017. Là. Mais c'est juste pour faire un chiffron. Ah oui. Mais c'est, mais oui, c'est un retour depuis retour, 87. Okay. Ouais, depuis, c'est leur premier disque depuis 87. Un disque qui a pour titre Crimson Stone. J'ai... pas vilain, mais tu vois les racines. Ça fait drôle de voir des groupes qui font de la musique un peu comme ce que les gens appelaient à l'époque là, néo-prog. Un ouais, peu, ouais, là, ouais. Bon. Faire un peu dans ce style-là. Ouais, ouais, ouais. Ben, c'est dans le fond, eux autres, c'est ce qu'ils ont. C'est leur racine. Hein? Ouais. C'est ça. C'est, voilà. C'est ce qu'on va écouter. Multi-story, puis il y a bien d'autres choses, évidemment, jusqu'à minuit. Marc, Michel et Bruno. My face and my fingers, so I can't be seen. And I'm thinking of nice things to block out for me that's within. They're slipping deep waters, returning spotlessly clean. It's not the first time, this time I'm gonna remain. Remain in the blue, they're following through in the rain. By fire. Now chance to break away or just stay. I'm not moving. I feel that I must. It's one after morning. So long since dusk. It's time for the charge. I'm breaking away. In a moment of time, every second or so is mine. I'm not gonna follow and move with the crowd. I'll stand on my own feet, shout it out loud. He is the man I wanna be. Seeing nothing, Oh, you never felt the ground before. An indication that you're over your head again, as you don't know how to settle the score. Petit accompagnement, c'est quasiment céleste. Merci Bruno. Bon, alors, bon. Parle-nous de ce qu'on a, de ce qu'on écoute et de ce qu'on a écouté. Ce qu'on a écouté, c'est un groupe américain qui a pour nom de Deer Hunter, un groupe assez spécial qui ils ont un concept de, bah, c'est une saga dans le fond. Là, c'est ça, c'est leur dernier. On peut dire comme ça, acte 5 de leur saga. C'est leur cinquième disque d'un concept, là, d'une histoire qui se suit. Là, et puis, ça, c'est prévu qu'avec le sixième, ça se boucle. Assez inusité, mais c'est un concept. C'est intéressant. Ouais, c'est un concept intéressant. Donc, ça s'appelle ce disque-là, c'est Acte 5, Hymns with the Devil in Confessional. Ouf. Okay. Les diables dans le confessionnal. Ouais. Et avant, on avait Mondo Drag, un groupe de Californie. Prog, psyché. Vraiment bien, moi j'adore ça. Là. Une ambiance. The Occultation of Light. Moi j'aime ça. Ce son-là, ça vient me chercher tout le temps. Là. Puis cette pièce-là est vraiment punchée, géniale. Enfin, donc, Mondo Drag, c'est leur deuxième disque, The Occultation of Light. Et puis, j'ai ressorti quelque chose. Marc pensait que c'était une nouveauté, mais non. C'est It Bites, ça date de 2012 quand même. Map of the Past, mais c'est un disque, malheureusement, qui est passé sous le radar. Ouais. Map of the Past avec un nouveau membre. D'ailleurs, c'est John Mitchell d'Arena. D'Arena qui a joint le groupe en 2008 pour l'album de Tarship et puis qui ont poursuivi avec Map of the Past en 2012. J'imagine, écoute, là, j'ose espérer qu'ils vont nous arriver avec un autre disque parce que Map of the Past, franchement, un petit bijou d'un bout à l'autre. C'était la pièce Wildflower. On reste en Angleterre avec Red Bazaar. Ça, c'est... je pense que c'est leur troisième, eux. Les deux autres étaient instrumentales avant. Puis celui-ci, ben, ils ont invité... je sais pas si le nom de Peter Jones t'a dit quelque chose comme chanteur. Non. C'est le gars derrière le Tiger Motel. Ah. Ça te dit pas plus de oui, quoi? Oui, Tiger Motel. C'est ça. Oui. Bon, c'est Peter Jones qui est en arrière de ce projet-là. Et c'est lui qui chante pour Red Bazaar, là, pour leur troisième disque. Bon. Puis on avait amorcé avec Multistory. C'est pour ça que je connaissais aucune des pièces que tu as fait jouer. C'était très bon. Mais Multistory, ben Bruno, ça y donne le goût. Là. Il m'a dit qu'en rentrant chez eux, il ressort son vinyle de ouais, East West. Oui, lui, il l'a l'original. Ouais, ouais. Ouais. Fait que, moi, d'ailleurs, j'ai sorti mon CD, puis ça m'a pris comme une demi-heure à le trouver. Je l'ai mis. Je me suis dit, je vais l'écouter moi aussi, parce que je suis curieux, je me rappelle vaguement de ça, Multistory. Ouais. Tu sais, c'était à l'époque qu'il n'y avait pas grand-chose, dans le fond, à écouter. Ça fait quand même plus de 30 ans de ça. Eh oui. Ben, pas loin. Ben là, on poursuit. Mon Dieu, écoute, je vais tourner ma feuille. Ah oui, là, on va faire un tour du côté de l'Israël. Oui. Il y en a des groupes prog israéliens. Il n'y en a pas une tonne, mais il y en a. Comme Sanhedrin. Oui, c'est ça. Puis là, ben, ce groupe s'appelle Aperco de Battle. Ça, on sent qu'il y a... Vous allez sentir, il y a un bon fond de Pink Floyd et de Porcupine Tree. Et puis, ben, c'est pas vilain, mais c'est pas constant sur le disque. Il y a d'autres sources d'inspiration aussi. Moi, c'est un disque que j'ai depuis une semaine, je pense, une semaine et demie. Et puis, ça a pas mal. Je commence à vraiment, vraiment aimer ça. Donc, je vais poursuivre probablement cette semaine encore. Quand c'est bon signe, là, quand je dépasse le 20-25 écoutes, puis que ça reste encore, c'est très bon signe. Donc, Aperco de Battle. Et puis c'est notre dernière demi-heure, même c'est notre dernier 20 minutes, là, parce qu'on va arrêter de jaser. Si on veut mettre un peu de musique encore. Donc, Terra Incognita, Michel, Marc et Bruno, CKRL 89. Sick inside. Trust to hide. I wanna shout. You have to get it out. You were so high. For bride, my warning's passed. searched in vain. And all you found is pain. Take my hand, I'm ça nous vient de Finlande. Je ne sais pas comment prononcer. Là. Le groupe s'appelle Jésus Flagard. Oui. Ça doit vouloir dire quelque chose en finlandais, là, mais écoute, Jésus Flagard. Et puis, on avait avant le tout nouveau No Sound, un groupe italien qu'on peut situer facilement dans le sillage là, de Porcupine Tree et Steven Wilson. L'album a pour titre Cynthia. Et puis, ben, on remarque qu'il y a une pièce, là, il y a un invité spécial, c'est Vincent Cavanagh de Anathema qui chante la pièce de, je pense que c'est Perfect Wife. Sauf erreur. Et on avait amorcé avec Aperco, groupe israélien, le disque pour titre de Battle. Moi, je pense que tu as aimé toi aussi, oui. Oui, oui. Oui. Intéressant. Des belles découvertes ce soir. Bon, ben, non, c'est parce que vous ne le voyez pas, il me regarde, puis je ne sais pas qu'est-ce qui va me sortir. Pas grand-chose. Bon, OK. Ça fait que ben, je pense que c'est pas mal. Bruno, oui, c'est le temps de vous dire c'est déjà la fin. On vous invite à rester des nôtres. Évidemment, il y a Jacques et l'autoroute qui s'en viennent dans quelques instants. Et puis, ben, revenez-nous la semaine prochaine. C'était Terrain Incognita avec Marc, Michel et Bruno. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne semaine. Téléchargez ou réécoutez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous au podcast de l'émission sur iTunes. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. C'est ça, ça fait weird. Ça fait weird de juste dire salut, c'est Olinéa. Salut, c'est deux gars d'Olinéa. Ouais, c'est ça. On est la moitié d'Olinéa, on pourrait dire qu'on est Néa. Salut, on est Oli. On est Oli. Oh, Néa est pas là, il est en train de jouer à Balmol. Puis on t'a fait une annonce pour dire qu'on fait un album. On l'a déjà fait l'album. Ouais. Là, on veut que le monde le sache. Ouais, puis il sort le 23 septembre. Je pense que j'ai quelque chose le 23 septembre. Ah ouais? Moi, on m'a checké. Ok. À CKRL, on est branché sur l'actualité qui vous touche. Retrouvez Dominique Lelièvre et les informations tous les jours en semaine entre 6h30 et 9h. À 11h30, à l'émission On refait la une. Et à 12h30 pour un bulletin d'information complet. Restez informés en temps réel sur notre site web et les réseaux sociaux. CKRL veut être vos yeux et vos oreilles sur le terrain. Soyez à l'écoute.